grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupréyé et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 29e épisode, ce que Dieu veut. Le crime est flagrant. Mademoiselle de Villefort a emballé elle-même les médicaments qu'on a envoyés au marquis de Saint-Méran. Et monsieur de Saint-Méran est mort. Mademoiselle de Villefort a préparé les tisanes de la marquise de Saint-Méran. Et madame de Saint-Méran est morte. Mademoiselle de Villefort a pris des mains de Barrois la carafe de limonade que le vieillard vide ordinairement dans la matinée. Et votre père n'a échappé à la mort que par miracle. Valentine est coupable. Mon Dieu. C'est elle, l'empoisonneuse. Monsieur le procureur du roi, faites votre devoir. Docteur, par pitié. Épargnez mon honneur. Malheur à vous, monsieur de Villefort, si vous ne vous hâtez pas de frapper le premier. Je n'ai pas cette force que vous avez. Je souffrirai et j'attendrai la mort. Prenez garde, de Villefort. Elle sera lente à venir, cette mort. Vous la verrez s'approcher après avoir frappé votre père, votre femme, votre fils, peut-être. Non. Non, Valentine n'est pas coupable. Il n'y a pas de crime dans ma maison. Écoutez, que vous importe que je meure assassiné? Êtes-vous mon ami, d'Avrigny? Je vous dis non, ma fille ne sera pas traînée par moi aux mains du bourreau. Et si vous vous trompiez, si c'était un autre que ma fille? C'est bien. J'attendrai. Merci. Seulement, si quelque personne de votre maison tombe malade, ne m'appelez pas. Car je ne viendrai plus. Vous m'abandonnez. Je ne puis pas vous suivre plus loin. Et je ne m'arrête qu'au pied de l'échafaud. Monsieur. Qu'y a-t-il, Pasquier ? Monsieur, je suis chargé, au nom du personnel, de vous demander la permission de nous retirer. Nous ne pouvons plus rester, parce que la mort est dans la maison, monsieur. Monsieur Andrea, n'êtes-vous pas un peu jeune pour songer au mariage? La vie est si chanceuse que l'on doit saisir le bonheur aussitôt qu'il passe à votre portée. En admettant que vos propositions, qui m'honorent, soient agréées de ma femme et de ma fille, avec qui débattrions-nous les intérêts? Mon père m'a laissé tous les papiers qui constatent mon identité et une lettre par laquelle il m'assure, dans le cas où je songerais à me marier, 150 000 livres de rente. C'est autant que je puis en juger, le quart du revenu de mon père. Moi, j'ai toujours eu l'intention de donner à ma fille 500 000 francs en la mariant. C'est d'ailleurs ma seule héritière. Eh bien, en supposant que ma demande ne soit pas repoussée par Madame la Baronne et par Mademoiselle Eugénie, nous voilà à la tête de 175 000 livres de rente. À merveille, beau-père. Plaît-il? Oh, pardon, monsieur. L'espérance me rend fou. Mais il y a une part de votre fortune que votre père ne peut vous refuser. Celle qui vient de votre mère. Ah, certainement, c'est certainement. Je l'estime à 2 millions, pour le moins. 2 millions. Eh bien, monsieur Andrea, croyez que si nul obstacle de votre part n'arrête la marche de cette affaire, elle est conclue. Ah, monsieur, vous me voyez le plus heureux des hommes. Et maintenant que j'ai fini de parler au beau-père, je m'adresse au banquier. Et que lui voulez-vous, au banquier? Eh bien, c'est demain que j'ai quelque chose comme 4000 francs à toucher chez vous. Mais le comte de Monte Cristo a compris que valait avoir un surcroît de dépenses. Et voici un bon de 20 000 francs qu'il m'a offert. Il est signé de sa main. Ça vous convient-il? Apportez-moi comme celui-là pour 1 million. Je vous les prends. Dites-moi votre heure pour demain et mon garçon de caisse passera chez vous. À 10 h du matin, si vous le voulez bien. Soit à 10 h. À l'hôtel des Princes, toujours? Oui, toujours. Juillet 1838, à l'hôtel des Princes. Pas à dire. Ces banquiers sont l'exactitude même. 10 h 10 min, et te voilà mon petit Benedetto, nanti de 24 000 francs. Monsieur le Vicomte, cet homme est venu. Celui à qui votre Excellence fait cette petite rente. Il n'a pas voulu prendre les 200 francs. Et comment cela? Il voulait parler à votre Excellence. Je lui ai dit que vous étiez sorti, et il m'a donné cette lettre. Ah, très bien, merci. Tu sais où je demeure, je t'attends demain à 11 h du matin. Oui, ce bon cadrousse. Ah! Tu es exact. Parbleu. Ne te fâche pas. J'ai pensé à toi, tiens, regarde. Le bon déjeuner que nous aurons. Si c'est pour déjeuner avec toi que tu m'as dérangé, quel diable t'emporte? Ah, mon fils, en mangeant en cause, hein? Et puis ingrat que tu es, tu n'as donc pas de plaisir à voir ton ami? Moi, j'en pleure de joie. Ah, tais-toi donc, hypocrite. Tu m'aimes, toi? Si je ne t'aimais pas, est-ce que je supporterais la vie misérable que tu me fais? Moi aussi! Je pourrais avoir un domestique, un Tiburi. Avoue que je le pourrais, hein? tu regardes ma chambre, hein? Ce n'est pas l'hôtel des Princes. Tu n'es plus heureux? Toi qui ne demandais qu'à avoir l'air d'un boulanger retiré? Oh! Un boulanger retiré, mon pauvre Benedetto, ça a des rentes. Et tu en as? Je t'apporte 200 francs. C'est humiliant de recevoir ainsi de l'argent donné à contre-cœur. De l'argent qui peut me manquer du jour au lendemain. Je suis obligé de faire des économies. Pour le cas où ta prospérité ne durerait pas. La fortune est inconstante. Je sais bien qu'elle est immense, ta prospérité. Puisque tu vas épouser la fille de Danglars, le banquier. Et comment? C'était un ami Danglars. Et s'il n'avait pas la mémoire si mauvaise, il devrait m'inviter à Thanos, attendu qu'il est venu à la mienne. Il n'était pas si fier dans ce temps-là. Il était petit commis chez ce bon monsieur Morel, l'armateur. J'ai dîné plus d'une fois avec lui et le comte de Morcerf. Tu vois que j'ai de belles connaissances, hein? Ouais. Eh bien sûr, tu ne me crois pas. Allez, bon, passons. Asseyons-nous et mangeons. Tout mon bonheur est gâté par la seule pensée que je vis aux dépens d'un ami. J'ai des remords. C'est au point qu'hier, il m'est venu une idée. J'ai fait un plan. Ça doit être du joli. Peux-tu m'indiquer un moyen de gagner 30 000 francs sans te mêler de rien? Tu me laisseras faire, c'est tout. chercherai. En attendant, tu pousseras mon mois à 500 francs. Je voudrais prendre une bonne. Bon, tu auras tes 500 francs. Mais c'est lourd, hein. Bon. Puisque tu puises dans des coffres qui n'ont pas de fond. Ah. Ça, c'est la vérité. Non, mon protecteur est excellent pour moi. Il me donne 5000 francs par mois. 5000? Oh, c'est bien vite dépensé. Ce qu'il me faudrait, c'est un capital. Il n'y en a rien. Et qui te le fera? Ton prince? Oui. Malheureusement, il faut que j'attende sa mort. Et il m'a porté sur son testament. Pour combien? 500 000. Pas possible. Cadrousse. Je vais te dire un secret. Je crois que j'ai retrouvé mon père. Mon vrai père. Il s'agit précisément de mon protecteur. Le comte de Monte Cristo. Ah oui? Et alors, tout s'explique. Il ne peut pas m'avouer tout haut. Mais il me fait reconnaître par M. Cavalcanti. Et par testament, il me laisse 500 000 livres. Tu en es sûr? Il m'a montré le testament. Mais c'est pas tout. Il y a un codicille par lequel il me reconnaît. Oh, le bonhomme de père. Voilà. Dis encore que j'ai des secrets pour toi. À ta confiance, mon or. Et ton prince de père, il est richissime? Il connaît pas sa fortune. L'autre jour, c'était un garçon de banque qui lui a porté 50 000 francs. Et hier, un banquier qui lui comptait 100 000 francs. Et tu vas dans cette maison-là? J'aimerais voir cela. Mais, dis-moi, ne demeure-t-il pas avenue des Champs-Élysées? Au numéro 30. Une belle maison, isolée, entre cour et jardin. L'argent traîne dans cette maison comme les fruits dans un verger. C'est grand? Comment c'est distribué? Raconte un peu. Ben, il me faudrait de l'encre et du papier pour faire un plan. Attends. Ah, voilà. Allez, petit. Trace, montre-moi comment c'est. Tout autour des murs, de 8 à 10 pieds au plus. Ce n'est guère prudent. Alors, le rez-de-chaussée, salle à manger, deux salons, salle de billard, escalier dans le vestibule, et petit escalier dérobé. Des fenêtres magnifiques, belles et larges. Mais... des volets. Ah, dont on ne se sert jamais. Ce Monte Cristo est un original. Et les domestiques? Ils ont leur maison à eux. Un joli hangar à droite en entrant. Autrefois, il y avait un chien. Mais on l'a conduit à Auteuil. Ouais. Il y a sûrement quelques secrétaires mécaniques qui prend le voleur dans une grille et qui joue un air. Ah non! Il a tout bonnement un secrétaire en acajou, auquel j'ai toujours vu la clé. C'est là qu'il doit mettre son argent. Il est au premier étage. Fais-moi un peu le plan du premier, petit. Alors ici, une antichambre, un salon, à droite du salon, bibliothèque et cabinet de travail, à gauche, une chambre avec cabinet de toilette. Et c'est dans le cabinet de toilette qu'est le fameux secrétaire. Ah oui, deux fenêtres là et là. Ouais. Et... il va souvent à Auteuil, ton compte? Oh, deux ou trois fois par semaine. Après-demain, par exemple. Il doit y aller passer la journée et la nuit. Il m'a invité à y aller dîner. Et quand tu y dînes, tu y couches? Quand ça me fait plaisir. Je suis chez le comte comme chez moi. Ah, oui. Quand veux-tu tes 500 francs? Mais tout de suite, si tu les as. Eh bien, les voilà. Et maintenant, adieu, mon bon Cadrousse. J'ai à faire, tu comprends? Heureux coquin. Allez. Monsieur de Monte-Cristo est prévenu que cette nuit même, un homme s'introduira dans sa maison des Champs-Élysées pour soustraire des papiers qu'il croit enfermés dans le secrétaire du cabinet de toilette. On sait, monsieur le comte de Monte-Cristo, assez brave pour ne pas recourir à l'intervention de la police, intervention qui pourrait compromettre celui qui donne cet avis. Monsieur le comte pourra se faire justice lui-même. Beaucoup de précautions apparentes éloigneraient certainement le malfaiteur et ferait perdre à monsieur de Monte-Cristo l'occasion de connaître un ennemi. Ouais. Ils ne veulent pas me voler mes papiers. Ils veulent me tuer. Baptistin. Oui, Excellence. Vous allez retourner à Paris. Vous ramènerez tous les domestiques qui restent. J'ai besoin de tout mon monde à Auteuil. Ces pistolets sont chargés? Bien, je les prends. Toi, tu préfères ta petite hache arabe, bien sûr. Je vais me tenir dans la chambre à coucher. S'ils en veulent à ma vie, c'est là qu'ils viendront. Soit par l'escalier dérobé, soit par la fenêtre du cabinet de toilette. Ah, le secrétaire. Juste un tour de clé. Et à toi, Ali, tu restes devant l'escalier. Moi, je passe dans la pièce à côté. Bientôt minuit. Mon visiteur ne devrait pas tarder. De faire le guet pour ne s'occuper que de ce qui se passe ici. Tu le vois, Ali? Il est monté sur une borne. Bon. Verrons cela plus tard. Allez, reste là. Ne viens que si je t'appelle. Bonsoir, cher monsieur Caderousse. Que diable venez-vous faire ici, à pareille heure? La Pépouzone. Ah, je suis bien aise que vous me reconnaissiez. Cela prouve que vous avez une bonne mémoire. Voilà tantôt 10 ans que nous ne nous sommes vus. Nous voulons donc voler le comte de Monte Cristo. Monsieur l'abbé! Ah, écoutez, un carreau coupé, la lanterne sourde, les trousseaux de rossignol, les secrétaires à demi forcés, c'est clair. Je vois que vous êtes toujours le même, monsieur l'assassin. Mais vous savez bien que ce n'est pas moi, que c'est la carconte. Ça a été reconnu au procès. Ils ne m'ont condamné qu'aux galères. Vous avez donc fini votre temps? J'ai été délivré par quelqu'un. Ah, alors vous êtes en rupture de ban. Hélas, oui. Et mauvaise récidive. Cela vous conduira, si je ne me trompe, à la place de grève. Le besoin, monsieur l'abbé... peut conduire à demander l'aumône, à voler un pain, mais non pas à venir forcer un secrétaire dans une maison que l'on croit inhabitée. Mais pardon, monsieur l'abbé, pardon. Sauvez-moi encore une fois. Et cela ne m'encourage pas. Êtes-vous seul, monsieur l'abbé? Ou bien avez-vous là des gendarmes tout prêts à me prendre? Je suis tout seul. Et j'aurai encore pitié de vous si vous me dites la vérité. Je puis bien dire que vous êtes mon sauveur, vous. Vous prétendez qu'on vous a délivré du bagne. Qui c'est là? Un Anglais. Lord Villemort. Oui, je le connais. Je saurai donc si vous me mentez. Monsieur l'abbé, je dis la vérité pure. Cet Anglais vous protégeait, donc? Mais non, pas moi, mais un jeune Corse, qui était mon compagnon de chaîne, qui se nommait Benedetto. Ah, c'est un homme de baptême. Eh, il n'en avait pas d'autre. C'est un enfant trouvé. Ah. Alors ce jeune homme s'est évadé avec vous? Oui. Et qu'est-il devenu? Je n'en sais rien. Nous sommes séparés, ailleurs. Vous mentez! Cet homme est encore votre ami. Et vous vous servez de lui, comme d'un complice, peut-être. Oh, monsieur l'abbé... Depuis que vous êtes à Paris, vous avez vécu de l'argent qu'il vous a donné. Ah, bien sûr, oui. Benedetto est devenu un fils de grand seigneur. Un fils naturel. Et comment nommez-vous ce grand seigneur? Le comte de Monte Cristo, chez qui nous sommes. Comment? Benedetto. Benedetto, le fils du comte. Mesdames! Puisque le comte lui a trouvé un faux père, puisqu'il lui donne 5000 francs par mois, puisqu'il lui laisse 500 000 francs par testament. Ah, oui, oui, oui. Et quel nom porte, en attendant, ce jeune homme? Il s'appelle Andrea Cavalcanti. Cavalcanti? Ah, mais alors c'est ce jeune homme que mon ami le comte de Monte Cristo reçoit chez lui, qui va épouser mademoiselle Danglars. Et vous souffrez cela? Misérable! Pourquoi voulez-vous que j'empêche un camarade de réussir? Eh oui, c'est juste, bien sûr, oui. Ce n'est pas à vous de prévenir, monsieur Danglars. C'est à moi. Tondeur, tu ne diras rien, la bulle! Je ne sais ce qui me retient de te briser le crâne, scélérat! Grâce! Dieu, quel poignet vous avez, monsieur l'abbé! Dieu me donne la force de dompter une bête féroce comme toi. Jenny, prends cette plume et écris ce que je vais te dicter. Oui. Monsieur, l'homme que vous recevez Chez vous. Et à qui vous destinez votre fille? Destinée. Est un ancien forçat. Ça. Échappé avec moi du bagne de Toulon. Il s'est nommé Benedetto. Benedetto. Mais il ignore son véritable nom, n'ayant jamais connu ses parents. Bien. Et adesso, firme, signe. Vous voulez donc me perdre? Ma imbécile! Si je voulais te perdre, je te traînerais jusqu'au premier corps de garde. Signe! Adesso metti l'indirizzo, l'adresse. Monsieur le baron Danglars. Monsieur. Banquier. Rue de la Chaussée-d'Antin. Bien. Allez. Maintenant, va-t'en, par où tu es venu. Par la fenêtre? Vous méditez quelque chose contre moi, monsieur l'abbé? Et que veux-tu que je médite? Dites-moi que vous ne voulez pas ma mort. Je veux ce que Dieu veut. Jurez-moi que vous ne me frapperez pas tandis que je descendrai. Stupido et vigliacco que sei. Monsieur l'abbé, mais tentez une dernière épreuve. Bene. Tu sais que je suis un homme de parole, Caderousse. Eh bien, si tu rentres chez toi, sain et sauf, oui. Quitte la France et partout où tu seras, tant que tu te conduiras honnêtement, je te ferai passer une petite pension. Car si tu rentres chez toi, sain et sauf, je croirai que Dieu t'a pardonné et je te pardonnerai moi aussi. Vous me faites peur. Allez, descends. Je vous obéis, monsieur l'abbé. Je vous obéis. Vattene. Oui. Vattene. Dans la fenêtre. Bon. Bon, le voilà qui escalade le mur d'enceinte. Ah, Caderousse, en vérité, je ne sais pas si... Au secours ! Au meurtre ! Au meurtre ! À moi, monsieur l'abbé ! À moi ! Allez ! Vite ! Ma qui est-il, Caderousse? Ah, l'abbé. Vous arrivez trop tard. Non, il n'est qu'évanoui. Deux coups de couteau dans le dos et un dans la poitrine. Il ne s'en tirera pas. Allez, va chercher monsieur le procureur du roi de Villefort, qui demeure Faubourg Saint-Honoré, et amène-le ici. Ah, et aussi, tu ramèneras un médecin. Va, je le porterai seul. Ah, mon Dieu. Votre vengeance se fait parfois attendre. Mais alors je crois qu'elle ne descend du ciel que plus complète. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 29e épisode, Ce que Dieu veut. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Gérard de Villefort, André Oumanski. Danglars, Alain Mottet. Caderousse, Armand Meffre. Andrea Cavalcanti, Jean-Paul Tribou. Le docteur d'Avrigny, Pierre Olivier. Baptistin, Jacques Maire. Le portier, René Breuil. Pasquier, René Lafleur. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 20 novembre 1980. Vous pouvez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, la suite.